encore sa planète. Pour le retour de la comète. Salut, c'est la patate. Nous avons participé au Festival Vue sur la Relève 2009 et quelle expérience! Tu es un jeune créateur professionnel et tu attends toi aussi une occasion exceptionnelle d'être révélé au grand jour? Propose ton spectacle prêt à diffuser dans une discipline des arts de la scène et prends la chance d'être sélectionné dans la programmation du 15e Festival Vue sur la Relève au printemps 2010. Présenté par Loto-Québec en collaboration avec Québécois, Vue sur la Relève, une rampe de lancement formidable pour des créateurs en début de carrière. Inscris-toi! VueSurLaRelève.com. La 8e édition de Pop Montréal s'en vient du 30 septembre au 4 octobre et vos vies vont changer à tout jamais. Vous pourriez notamment y voir The Butthole Surfers, Think About Life, Os Mutantes, Le Monde dans le Feu, Sofiane Stevens, Buffy Sainte-Marie, Faust, Yo La Tango, Destroyer, Poirier, Plaza Music, DJ Rupture, Kid Koala, Ariane Moffat et plusieurs autres. Comme si ce n'était pas assez, Pop Montréal c'est aussi de l'art, des ateliers, des films, des panels et des parties! PopMontréal.com pour avoir plus d'informations sur nos concerts et événements. Choc FM et Pop Montréal sont fiers de vous présenter le concert de l'explosif couple et duo Dance Punk Matt & Kim qui se tiendra le 30 septembre prochain au Club Lambi. Ils seront accompagnés de la scandaleuse sensation rap Ninja Sonic et du groupe électro-rap Holger qui nous arrive tout droit du Brésil. Les billets sont en vente sur etix.com, L'Oblique, Atom Heart, Mug, Cheap Trails et Phonopolis. Pour plus de détails, visitez le www.popmontréal.com. Écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ça n'avait pas rapport! Ah, bonsoir! En manchette ce soir, je ne sais pas si les gens de Choc FM sont au courant quand ils nous donnent nos publicités, mais Pop Montréal, c'est fini. Je trouve ça cool quand même d'avoir entendu Le Monde dans le Feu de Di dans la zone des phrases. Et puis, ouais, c'est ça. En manchette ce soir, manchette Bruno ce soir, parle de lui. Ouais, vous avez manqué Le Monde dans le Feu samedi, ceux qui n'étaient pas là. Vous écoutez 70%. Bon travail! Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Michael Nourry, il me semble qu'on le connaît. Michael Nourry, c'est comme un participe passé dans un nom de famille. Michael Nourry. c'est super drôle. Claude Bernier, bonsoir. Bonsoir. Voyons, c'est quoi, il marche pas? Parle donc encore. Hey, yo! Ah, ok. Là, ça va mieux, hein? Ouais, je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que j'avais pas le bon micro. Mais là, à ce temps qu'on a un micro numéro 5. Ben, c'est ça, tout est déphasé. D'ailleurs, le micro numéro 5 qui est habité par Chris. Ah, bonsoir. Bonsoir, c'est Chris. Et ici, en background, on a les gobos. Ce sera pas ça. On va retourner, bien sûr, à une trame sonore de jeux vidéo. Ça va être encore une fois Tecmo Secret of the Star. Parce que c'est pas bon? Ben, moi, c'est un des jeux les plus conséquents que j'ai rencontrés de ma vie. On a Jean-Patrick Bertium aussi du Parti Néo-Rino. Il dit bonsoir, mais là, il finit son café avant d'aller vous rejoindre de l'autre bar. Parce que c'est vraiment moins dangereux de boire du café proche de ta console que proche de moi. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il recule un petit peu, sinon on va se faire chicaner. Bon, tu vois, là, on vient d'éviter le pire. Sinon, toi, Claude, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Moi, je vais y aller vraiment aux deux extrêmes. Ça va être à la fois très lourd et très léger. Ouh. Très lourd, on va parler de barres énergétiques et d'anorexie. Très léger, on va parler de bataille d'oreiller. Ah, oh, ben tiens, ça a de l'allure, ça. Toi et Chris, vas-tu parler de quoi en particulier? Ah non, je suis juste site pour vous entendre. T'aurais pu faire ça de chez vous, tu sais, hein? 70% Choc.fm. Les chaises sont plus confortables. Ah, c'est bon. Et puis, ben, on a confirmé le Capitaine Québec lundi prochain. On va avoir toutes sortes d'affaires et plein d'autres choses, ainsi qu'une cumulation de trucs. Ça va être fabuleux. J'ai amené aussi pour ce soir au brouhaha, parce que le film Les Gobos, ça dure à peine 73 minutes. C'est quand même assez moins 6, moins 7. Et puis, ben, après ça, on va écouter Bible Man versus The Shadow of Doubt. Parce que là, Bible Man, tu sais, c'est Bible Man. Puis là, ben, il cite des paraboles Jésus. Puis là, ben, il implique son sabre laser de foi. Là, pis, son sabre laser de foi. Oh, oui, ça va être bon. Hein? Un sabre laser, est-ce que si tu coupes du foie avec, ça va le faire cuire, genre, en même temps? Juste à l'extérieur. Juste à l'extérieur? Ouais. OK, c'est bon. Et voilà les grandes questions. On commence 70% semi-slack relot. Ça va être Predge. Il est pas là aujourd'hui, mais il m'a envoyé une chanson à faire jouer. Ça s'appelle « Sac-moi une volée ». Dans la face. Dans la tête. Dans la face ou la tête. Il est pas là, pourquoi? Il s'est fait kidnapper par les Nguyen ou quoi? Peut-être que c'est ça, hein? Contre-attaque. On va le laisser aller, en tout cas. Pourquoi tu te retiens? Fais-toi plaisir. Ça libère le méchant par en dedans. C'est tout ce que je mérite quand je t'hérite. Avoue-le donc. T'aimes pas ce que je fais dans le fond. Pourquoi tu te retiens? Fais-toi plaisir. Sac-moi une volée! Une volée! Ouh yeah! T'es baisé avec ta femme, puis elle a aimé ça. J'ai vu tout ta carabée. J'ai mis des cigares, même si je les trouve dégueulasses. J'ai fait jamais d'attentif. Ta mère elle m'aime bien. Elle sait pas, j'ai déterré ton grand-père. J'ai bien convaincu ton boss de te mettre à bord. Mais oui, c'est mon doigt que l'enculé. Sac-moi une volée. S'il te plaît, je t'implore à genoux. Sac-moi une volée. Tu sais que je l'ai mérité. Faire croire que t'aimes mon style. Fais ton plaisir, sac-moi une volée. Et moins d'un sac, pipi joint dans l'ac. Quand vois les gens crèvent les yeux. Assomme-moi, fais quelque chose, va faire un malheur. Sac-moi une volée. Sac-moi une volée. Sac-moi une volée. Arrache-moi, donne le visage. Ta mère elle m'aime bien. Elle sait pas, j'ai déterré ton grand-père. J'ai bien convaincu ton boss de te mettre à bord. Mais oui, c'est mon doigt que l'enculé. Sac-moi une volée. Bon, il commence à être temps là. Bon, ok, je suis prêt. Le plus beau des sourires, le plus beau des cadeaux, bonheur de la vie nous a donné. De toi et moi est né un enfant tant aimé que le temps d'un instant nous séparait. De tous les pays, dans toutes les galaxies, j'entendrai ta voix, même au-delà. Je suis là avec toi, où que tu sois, chante avec moi. Le plus beau des sourires, le plus beau des cadeaux. Je l'avais collé la semaine passée, on est en train ici d'écouter Cédrica, une chanson composée par Stéphane Sévigny, en l'honneur de Cédrica Provencher. Ah, c'est celle-là? Oui, c'est ça. C'est pas Cédrica Boivin, là. Non, non, non, non. Non, c'est pas Cédrica Boivin, c'est vraiment... Cédrica Provencher, je vous avais dit la semaine passée, j'avais été pas mal... toutes les galaxies. Accueille ici le texte de l'entente sur la mission de M. Guy Bertrand pour retrouver Cédrica. Là, il l'a prolongé jusqu'au mois de décembre. Point de presse. Je suis là avec toi. Accueille que ici. Tu sois, chante avec moi. Avec moi. Ben, c'est la country facile, triste, celle-là. On la reconnaît un petit peu. Moi, ça reste vraiment celle de Steve que je trouve la plus farabulumineuse. Et puis, ben, j'ai trouvé sur Internet, là, pendant que je suis à la recherche de notre petite trame sonore de fond. Et voilà l'excellent Tecmo Secret of the Star. Comment on a pu passer autant longtemps sans en entendre Actos Shrine ici dans nos oreilles? Ça me fait plaisir de vous lire un texte que j'ai trouvé sur l'Internet, bien sûr, comme d'habitude. C'est un texte qui était dans la version virtuelle du Journal de Montréal. Ça a été écrit par Charles Messier en 2007, le 29 du 8. Steve Marcotte se défend de faire montre d'opportunisme. Donc, c'est le titre du texte. En composant une chanson touchante sur la disparition de Cédrica Provencher deux semaines avant le lancement de son album, Steve Marcotte est qualifié d'opportuniste. Oui. Il affirme pourtant vouloir seulement donner du courage aux parents, un geste totalement altruiste. Beaucoup de monde me traite d'opportuniste dans des forums ou à la radio, déplore l'auteur, compositeur, interprète Steve Marcotte, inconnu du public il y a moins d'une semaine. Le but n'était même pas de médiatiser ma chanson. C'est... Ouais. Je l'ai faite pour moi et puis mes amis. T'sais. Steve Marcotte, sans E à la fin de Steve, pour faire plus original accrocheur, dit-il, s'en allait au boulot. Il est opérateur de salle de cuve chez Alcan. Lorsqu'il a eu l'idée de composer une chanson pour Cédrica Provencher, disparu depuis le 31 juillet. Lui-même, père d'une petite fille de 5 ans, il est touché par le drame qu'afflige. Qui afflige, en fait, la petite fille de Trois-Rivières. Son travail laisse au jeune homme de 28 ans le temps de composer. Je sais pas, faites-y faire l'overtime. Trois jours après avoir écrit sa première ligne, « Méfie-toi des inconnus gentils. Fais pas confiance aux étrangers. » La chanson Cédrica, d'une durée de près de 4 minutes, est endisquée. Endisquée, oui. Ça y a pris 3 jours. Pas facile. Steve Marcotte ne voulait pas que la chanson soit popularisée. Il souhaitait seulement l'offrir aux parents de Cédrica pour leur donner du courage. Et non, en fait, nous écrivons ce poème pour prévenir ce phénomène. C'est quoi? C'est, mettons, pour éduquer les parents que si jamais ils ont un autre enfant, exactement. De ne pas faire comme sa grande sœur, mettons. Comme la Sûreté du Québec ne voulait pas lui indiquer où se trouvaient les parents, Steve Marcotte, parce que c'est plus accrocheur, a appelé un réseau de télévision pour avoir leur numéro. Le réseau en a profité pour faire un reportage. Sur Steve? Sur Steve. Le jour même, celui qui était la vedette d'un karaoké de Shawinigan, était entendu dans tout le Québec. Ah, c'est tellement beau! Ça va bien, hein? Ah. Steve Marcotte a d'abord trouvé difficile d'attirer l'attention des médias. Là, j'ai appris à vivre avec, dit-il. J'étais habitué dans mon petit monde, mais là, ça ne me dérange plus. Il se réjouit finalement que tout le Québec puisse entendre la chanson et que personne n'oublie Cédrica. Checkez bien ça. On lâche pas. Steve Marcotte déclare... J'espère aussi toucher le ravisseur, dit-il, afin qu'il décide de relâcher l'enfant. C'est sûr que... Ou de le déterrer. Hey, voyons donc, tu sais. C'est sûr que si j'ai la chance de chanter toute ma vie, je vais le faire, dit Steve Marcotte, dont le seul rêve était, avant la semaine dernière, d'entendre une de ses chansons sur les ondes d'une radio, dit-il. Mais c'est fait. Dit-il. Voyons, non, non, mais dit-il. Il croyait qu'il le réaliserait plus tôt avec l'album sur lequel il travaille depuis plus d'un an et qui sera lancé la semaine prochaine. La chanson Cédrica n'apparaîtra pas sur l'album. Ah! Parce que Steve Marcotte ne souhaite pas faire d'argent sur le dos de Cédrica, une enfant disparue. Mais il n'y a pas de danger qu'il en fasse. Ouais. Hier, la chanson avait été entendue plus de 16 000 fois dans YouTube. J'ose rappeler que c'est Israël qui nous avait trouvé l'album de Steve Cédrica. C'était un single, il l'a payé une pièce dans un Dollarama, et il était écrit à l'intérieur, pour chaque album vendu, un dollar sera remis à la fondation Cédrica Provencher. Mais en fait, ça vaut 87 cents, non, c'est une pièce. Ouais, il faisait du trou à chaque album. Ouais. Donc, bravo Steve Marcotte, bravo. C'est maintenant mon ami sur Facebook, fait qu'on va peut-être pouvoir l'appeler pour qu'il vienne ouais, c'est ça, nous faire une performance live et nous parler de son album. qui l'a propulsé au rang de star de la musique québécoise. Ah, mais ça serait très touchant d'avoir la version live de Cédrica juste devant nous autres. Ouais, peut-être que ça nous ferait changer d'idée. Peut-être qu'on penserait que dans le fond, c'est vrai que c'est pas cool qu'elle se soit faite enlever. Ah non, c'est pas ça qu'on disait. Bruno Corbin, est-ce que tu te sens prêt à nous envoyer une nouvelle? D'accord. Alors, je vais vous parler de... C'est drôle, tu sais, je viens ici à toutes les semaines puis je vous parle d'affaires pas cool qui se passent dans le monde, tu sais. Je vais vous parler de quelque chose qui est comme plus cool que pas cool, là. Ah ben. Ouais, ben, mais qui est quand même drôle. Il y a 50 politiciens français qui souhaitent faire passer une loi afin que les photos retouchées pour fins publicitaires, politiques ou artistiques soient accompagnées d'un avertissement. la mention devrait se lire comme suit. Photos retouchées visant à modifier l'apparence physique d'une personne. Le but étant d'informer le public de la réalité des photographies. Beaucoup de gens, particulièrement les jeunes filles, ne font pas la différence entre la réalité et le virtuel, affirme Valérie Boyer, députée de Bouches-du-Rhône. Elles peuvent développer des problèmes de santé sérieux comme l'anorexie et la boulimie. Voilà, c'est à noter maintenant que Nicolas Sarkozy a souvent profité de Photoshop par le passé. Par exemple, quand le magazine Paris Match effaçait ses bourrelets sur une photo de lui qui faisait du canot et que sa femme, Carla Bruni, est, je crois, photoshopée de naissance. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Hey, merci Bruno, ça ne nous pas payé, ça. En as-tu une autre? Ah, ben oui, on peut y aller. Attends un petit peu. On va faire ça de même. Il y a... Ronald Tackman, un prisonnier de New York qui a trouvé un meilleur moyen que de creuser un tunnel pour s'évader. Il a demandé des directions à un gardien. L'homme qui portait un complet pour une audience s'est tout simplement dirigé à l'intérieur de la cour. Un huissier lui a alors demandé « Que faites-vous ici, maître ?» pensant qu'il était un avocat. Tackman a alors simplement demandé la sortie et s'est sauvé par la porte d'en avant. S'est ensuite rendu chez sa mère pour se changer et personne ne l'a vu depuis. Il semble que Tackman est déjà connu comme un maître du déguisement. Il aurait utilisé des chapeaux, des lunettes fumées et des faux nez auparavant. Et il aurait aussi fabriqué des faux fusils en savon afin de prendre un garde en otage en 1985. Voyons ah, donc, ça, oui, man. J'ai déjà entendu parler. Ouais. C'est mon héros. C'est malade, ça. Il est pas pire, lui. Ouais. Ben oui, hein. Et où la sortie? Elle est là. T'es déguisé, t'as des lunettes fumées. Ah, bon. Non, mais c'est le fauné, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est très fauné, oui. Hey, moi, on va mettre une petite toune, là. On est tranquille, on est entre nous autres. Après ça, on va parler à Chris. Après ça, Claude, il va nous faire sa première intervention. Puis peut-être même Jean-Patrick, qui va nous parler du film qui va sortir. Ouais. Nirvana versus Rick Astley, là. C'est le MASH. Ah, ça, c'est bon. Ouais, ça donne de quoi de popper. On va peser double clic. Puis on va l'écouter. Ah non, elle veut pas. Oh non. Je l'avais mis sur mon Facebook. Ah ouais? On va essayer de voir. Allez tous sur le Facebook de Jean-Patrick Berthiaud. On va vous attendre pendant ce temps-là. Nous autres, on ne fera rien pour les trois prochaines minutes. Non, non, j'ai trouvé une manière. On va le subir tous ensemble, puis on revient après à 110. Passons au travail tout de suite. Cours d'œnologie. Introduction. Ah non, pour de vrai? Oh ouais. Combien de minutes? Ça dure 5 minutes et demie. Bonjour, vous avez le droit de passer de chez vous pour ce premier cours d'œnologie. Si je vous dis Bordeaux, Alsace, Côte-du-Rhône, ça vous dit probablement quelque chose. Oui. Je suis sûr que chez vous ou chez des amis, vous avez déjà goûté ce type de vin et vous vous êtes dit, c'est étonnant, il y a quelque chose dans ce vin, mais vous n'êtes pas arrivé à décrire ce que c'était. Le vin, c'est quelque chose de compliqué au départ, mais rassurez-vous, avec moi, ça va être très simple. Le vin, c'est un produit issu du raisin. C'est une fermentation. C'est des cépages, des terroirs, des hommes, des savoir-faire. Ça rend le produit très complexe, mais à la fois complexe et passionnant. Vous voulez en savoir plus, apprendre à déguster, apprendre à le consommer, apprendre à en parler. Vous êtes au bon endroit. Pour une bonne dégustation, vous avez besoin de verre. Bouche. Okay. Alors, je vous le dis tout de suite, verre à moutarde, verre en plastique, vous les laissez au fond du placard. On utilisera des verres à dégustation type INAO, Institut National des Appellations d'Origine. Pourquoi des verres INAO? Simplement parce qu'ils ont une forme particulière. Déjà, ils ont un pied. Qui rajoute la musique plus techno sur la table. Ils sont évasés à la base, coniques, ce qui permet aux arômes de mieux s'exhaler. Ce qui permet aux arômes vous de mieux s'exhaler. Le nom du domaine, la région de production, le pays de production. On est sur une bouteille de Bordeaux. On est sur un vin qui porte une mention vieilli en fût de chêne. On expliquera par la suite ce que ça veut dire. Et on est sur un millésime 2003. Millésime étant l'année de production. Et voilà. Vous allez avoir d'autres mentions. Et voilà. Sur à place de dire un 2003, il dit un millésime 2003. Le terroir sur lequel a été produit le vin. Éventuellement, les rendements produits. Alors, maintenant, une question s'impose. Est-ce qu'en dégustation, il faut carafer un vin? Tous les vins ne le méritent pas, tous les vins ne le demandent pas. Certains vins vont demander à être oxygénés, donc on va les passer dans une carafe, les vins rouges jeunes notamment. Hop, et le tour est joué. La carafe. Choisissez de préférence une carafe à vin, carafe plate, évasée. Le principe du carafage étant de permettre au vin d'avoir une surface de contact la plus grande possible avec l'oxygène de l'air pour que cet oxygène permette aux molécules de s'exhaler. Premier moment du carafage, l'avinage, très important. Si votre carafe est souillée, même si vous l'avez lavé 50 fois, entre parenthèses, oubliez complètement le lavage avec des produits lessiviels. Très mauvais pour le vin. Pas de savon, même. Lavez pas toujours de savon, vos verres à dégustation, vos carafes, on a un téléphone. À l'eau bouillante et rien d'autre. Pourquoi l'avinage? Comme je vous le dis, la carafe... Allô, vous êtes à 70%, on a un cours d'œnologie, là. Oh! Ben, tu veux que tu rappelles? C'est Simon Bridge. Hey, salut, Bridge, on a fait jouer ta chanson tantôt. On va ensemble. Oh, hey, les auditeurs, l'auditoire, il devait être écœurant, Chris. Puis, sinon, c'est quoi qui se passe de bon, là? Ben là, désolé, je peux pas être exote à soir, je suis au Métropolis pour aller voir le show de Mars Volta, ça va rocker dans mes oreilles, je vais saigner de partout, ça va être fucké dans la tête. Non! Non! J'en ai pas de cigarette, c'est calé! Excuse-moi, j'appelle d'une cabine, là, ça sent la pisse à plein nez, ici, là. Ben, ça n'aura pas, va-t'en! Bon, en tout cas, là, si, là, ici, là, c'est paquet de corées dans la rue, là, le Canadien est de retour, hein, fait que tout le monde se transforme en singe, tabarnak, là. Si je préférais la Formule 1, moi. Je préférais bien mieux la F1, tu sais, au moins, les paquet de chicks avec des grosses boules, man. Bien mieux. Mais là... Mais là, en parlant de singes, il y a les élections de marde, là. Je voulais faire ma chronique sur les élections, mais j'ai réalisé que tout le monde s'en calisse pis que tout a été dit là-dessus, esti. On s'en crisse! Pas pour rien qu'ils mettent pas de pancarte par nulle part, esti. Tout le monde est écœuré des voir, les assis politiciens. De toute façon, ils tiennent jamais à ton cas d'assis de promesse. Ils sont pas plus fiables que moi qui manque les émissions, esti, pis qu'il n'y a rien de préparé. Pis t'as de l'impro, l'assis politique de marde. Mais si je pense que je vais partir mon propre parti politique, je vais appeler ça le parti Nathalie Simard. Avec la gueule à Simard comme logo, je te jure, au moins ça va être clair, ça va être de la merde. Moi, je vais partir comme là, un fou d'une poche, même soir. En plus, cette semaine, elle en a parlé là, en entrevue, là, elle veut plus faire d'entrevue. Fait qu'elle fait des entrevues pour le train, tu sais. Moi, je suis capable de l'avoir, man. Que les Canadiens. Mais je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine. Non! T'en auras pas de cigarette, c'est dit, des collets! Non! Hey, là, je vais vous péter la gueule, je vous laisse. Bonne semaine! Fais attention non, à tout, Brett! Non, t'as collets, ça! Et voilà Simon Préjean qui vient de nous sauver un petit peu... du très fable. Là, il a réussi à verser la bouteille de rouge dans la carafe. Il a réussi? Le vin a besoin de s'oxygéner, même dans un verre. Mais il l'a pas mis dans sa bouche encore. Verre, on y arrive. Ça sent bien. La surface de contact avec l'oxygène est la meilleure, la plus grande. T'as-tu fini de parler, puis tu vas-tu le boire, ton maudit vin? Hey, ça sonne encore, toi. C'est le même Guyenne. En tout cas, vous êtes mieux de ne pas tirer une voiture à soir. Ouais, c'est ça. Hey, bonjour, vous êtes à 70%. Hey, 70%, c'est DJ Georges. Hey, salut, Étienne Forêt, on les a un après l'autre, toi. Comment ça va, les petits amis? Ah, ça va. Très bien. Oui, moi j'étais au Métropolis, là, j'attendais après la cabine, il y avait un gars dedans qui voulait pas me donner de cigarette pendant. Maudit énervé, en tout cas. Il a fini par partir, fait que j'ai pu vous appeler. T'as finalement eu une cigarette. Ouais, non, finalement, il m'en a pas donné. J'ai eu la cabine. Oui, c'est ça qui est important. Fait que je peux vous appeler. Non, mais sans farce, chez nous en train de travailler, c'est aussi plate que ça. Ah, ben là... Fait que je voudrais juste dire un message aux gens qui violent des enfants un peu partout dans le Québec. Là. Si vous voulez, si vous voulez du bon 70%, violez pas d'enfants ou sinon, au pire, faites-vous pas pogner. Parce qu'après ça, il y a un procès, ça prend quelqu'un qui le transcrit, puis c'est moi, puis j'ai plus le temps d'aller faire le show. Mettez vos priorités à bonne place, s'il vous plaît. Là. Et voilà, à 70%. Voilà. Parce que, comme Bruno l'a dit tantôt, nous, on est pour la liberté d'expression et le fait que y a des enfants ils ont le droit de parler eux autres aussi. Wow, tout ouais, à fait. C'est tout à fait. En autant qu'ils parlent pas trop fort puis qu'ils nous gossent pas, c'est vraiment inopportun. Là. Ben, yeah. C'est une autre affaire, les maudits enfants. Hey, on est vraiment en train de surfer sur une affaire pas large. Un autre message, cette fois-ci, aux enfants qui se font violer. Quand vous racontez vos histoires en cours, arrêtez donc de brailler, je comprends rien de ce que vous dites, je suis pas capable de l'écrire. Okay. Et voilà, à bon entendeur, salut. Et voilà. Hey, c'est qui a le disque, le Bory? C'était Predge, hein? C'est pas moi, en tout cas. OK, parce que là, on a comme pas la toune découpée, là, celle qui tout le monde aime. Non, non, mais c'est correct, c'est pas de ta faute. Je l'ai pas eu. Mais monsieur Bory, si vous écoutez, pourriez-vous nous envoyer un autre disque? C'est ça? Oui, appelez, s'il vous plaît. Non, mais je pense que c'est plus de joie, ça aurait été hot. Mais en tout cas, toi, va-t'en graver tes affaires, là, puis t'occuper de ton fils. Je vais retourner travailler, mais je reviendrai avec vous live la semaine prochaine. J'ai quand même fait des belles petites découvertes, le fun. Fait que j'ai hâte de vous faire partager ça, entre autres. Je passe partout de Marie-Hélène Thibert qui me cassait les oreilles l'autre fois au restaurant. Hein? Puis, avec Passepartout? Oui, c'est Marie-Hélène Thibert qui chante des tunes de Passepartout. C'est délicieux. Le chat se lèche. Ouais. Ah, oh, ouais, c'est une excellente idée. Puis c'est pas tout, les Lost Fingers aussi l'ont fait. Puis plein d'autres mondes palpitants comme ça. Mais sinon aussi, j'ai d'autres belles affaires sur vinyle. Là. Je reviendrai avec vous autres la semaine prochaine. Qui sera d'ailleurs... si je ne m'abuse, l'Action de grâce. Oui, puis en plus, on va voir le Capitaine Québec lundi prochain. Oh, et puis, on va peut-être avoir l'Amiral Canada. peut-être, on ne sait pas encore. Ça va être un match à finir. Non, on va voir. Là, à commencer, au moins. Ouais, on va, le général Alberta. Fait qu'en tout cas, va-t'en en avant de ton dactylo chose, là. C'est ça que je fais, là. OK. Fait que, bon show, les amis. Puis, n'oubliez pas, les enfants, d'arrêter de pleurer. Arrêtez de broyer. J'ai un peu de contenance, là. Vous êtes en cause, c'est en train de se régler, là. Calmez-vous. Merci, Étienne. À la prochaine, mon gars. OK, bye, là. Salut. Fait que, c'est qui nous appelle en premier, Jessica ou Evelyne? Ouais, je sais pas. Hein. On va regarder ça. On va attendre. On va attendre. Pendant ce temps-là, Claude, parle-nous donc de ton premier point. Ben, effectivement, vous savez, l'automne est déjà arrivé. Que c'est triste. Mais qui dit automne dit encore une fois plein air, hein? C'est le temps, là, d'aller marcher dans le bois, de regarder les belles couleurs. C'est le temps d'aller ramasser des pommes puis faire de la compote selon la recette de grand-maman. C'est le temps aussi de faire de la route, d'aller voir les Laurentides et ses couleurs. Mais, vous me diriez, mais Claude, qu'est-ce que je fais si j'ai faim? Mange des bartendes. C'est pratique et ça se promène partout, dans le creux d'un sac, d'une poche, en mouton, selon tous les formats. Et pour vous, cher public, Predge, LG et moi avons testé trois de ces merveilleuses bartendes biologiques sur un road trip mémorable il y a quelques jours de cela. Alors, pour vous, on les a testés et commentés. Bonne écoute. Fait que là, moi, je mets le petit affaire, mais là, il faut que je le retrouve. Ben oui. Ben, c'est parce que le but, c'était vraiment de pouvoir bien se renseigner parce que dans cet univers de bartendes et de bars énergiques biologiques, on ne sait pas où s'en aller. Bon, une bartende Quaker aux fraises, on le sait, ça goûte la fraise, puis ça goûte le gruau Quaker. Mais une bartende biologique, c'est faite de quoi? C'est-tu fait avec de la roche, avec de la farine, avec des pissenlits, avec quoi? Avec des pissenlits, hey, je la trouve pas. Si je l'avais tantôt, ça marche pas, ça. C'est le fichier après œnologie. Ouais, peut-être. on l'écoutera plus souvent, celle-là. Non, du tout. C'est que ça me tape ses nerfs, moi, cette science-là. Là, j'ai une toune des jumelles magma, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendue. Hey, ça, c'est vieux en tabarnouche. Oui, oui, c'est très bon parce que c'est vieux, c'est vintage. Mm-hmm. C'est vintage, vintage, vintage. C'est bon parce que c'est vieux. Mais... C'est bon parce que c'est vieux. Uh-huh. Hey, ouais. Mais là, je t'en ai de courir après ça, c'est con. Dégustation, bâton. Hey, si je mets Steve les chemises, là, puis je le trouve pendant qu'on écoute ça, puis après ça, on va écouter ton affaire. Là. Parfait. Parce que Steve, il a fait une autre chanson. C'est comme du Linda Lemay, ça parle de chemise. Ah! Oh. C'est ça. C'est ça. Uh-huh. Ouais. Enfin, on va écouter Steve les chemises. Je suis sûr que c'est très vrai comme chanson. Ah, c'est. Oh oui. Oh oui, tout le monde ça a des chemises vrai. Dans son placard. Ouais. Oh oui, je suis content de porter une chemise juste pour l'occasion. Ouais, c'est vrai, moi aussi j'aurais dû me mettre une chemise. Bon, ben on écoute Steve les chemises. C'est ça, toune. Reviens-nous, Steve. Tu sois un gars ou bien une fille, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, tout le monde en met, tout le monde s'habille, tout le monde en a, tout le monde en veut. Que tu mesures 8 pieds, ou bien que tu rases le plancher, que le soleil a peine à te poigner. De la misère à te bouger. Bon, ben. Bonjour, bienvenue à 70%. Bonjour, Tommy, c'est Louis-Éric Gagnon à l'appareil. Ah, ben, toi. Ben, je voulais savoir si. Je sais que je suis une extrémiste. Je voulais savoir si je pouvais parler de l'affaire du gothique qui fait des pubs de nourriture. Ah, les Liam Lynch, là? Ouais. Ah, oh, vas-y, parle-en, Isabelle, à le dos tourné. On écoutera Steph une autre fois. Il parlait des chemises de nuit. Fait que là, j'y vais. Oh, ouais, vas-y, go. OK, ben c'est ça, l'affaire, là, la pub du gothique là, de la semaine passée, Wilkinson Family Restaurant, c'est ben, Liam Lynch. Ben oui. Liam Lynch a écrit United States of Whatever, un hit de 2002 qui est, selon le livre de Rocker Guinness, le hit numéro un le plus court au monde. Ah oh, ouais. Ben oui, c'est le fun, ça. Puis Liam Lynch a fait une série à MTV qui s'appelle Ziffle et Ollie. C'est complètement débile. C'est des petites marionnettes à bas. Une demi-heure de ça. Mais c'était que ça la semaine passée. Mon cerveau a fondu, puis j'ai commencé à baver. Un peu partout. Fait que toi, tu dis que checker Liam Lynch sur YouTube, ça peut être quelque chose qui nous amène à des affaires qui ont de l'allure. Ben, c'est le petit clip qu'on a vu. Ça fait partie d'un gros sketch d'à peu près 5 minutes. Ah ouais? Donc, ouais, c'est ça. Allez voir son site, Liam Lynch, liamlynch.com. L-I-A-M-L-Y-N-C-H. Oui, comme David Lynch, mais c'est voilà, Liam Lynch. C'est ça. Puis là-dessus, il y a tous ses sketchs et tous des petits podcasts bien intéressants en vidéo. Fait que c'est ça. Ben, merci, Louis-Éric Gagnon. Je vais laisser là-dessus. Faut que je prépare mon cours sur la gestion du stress. Faut que je plug dans mon cours là, demain. Scrotum, Ninja puis Chuck Norris. Go, man. Ben, Ninja puis Chuck Norris. Pour la gestion du stress, en tout cas, c'est toujours bon. Excellent. Raid, mon gars. On s'en va plus tard. Ah ouais, à tantôt. Bye-bye. Salut. Aïe, ça déborde, ça, t'asseoir. Moi, je repars les chemises. Ouais, mais oh, je bon. Répète, là, tirez pas une voiture aujourd'hui. Vous allez être obligé de la payer. Ah, vas-y. Ah, c'est Steve, c'est encore à toi. Que tu sois bum ou ben habillé, t'as une chemise dans ton placard. Que tu sois laid ou ben castré. Tu sois un gars ou ben une fille, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, tout le monde en met, tout le monde s'habille. Tout le monde en a, tout le monde en veut. Que tu mesures 8 pieds, ou bien que tu rases le plancher, que le soleil a peine à te poigner, ou que t'as de la misère à te bouger. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord. Une chemise coincée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord. une chemise froissée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. Tu sois noir ou basané, t'en as une claire ou une foncée. Tu sois d'affaires ou de chantier, t'en as une très chère ou carottée. En chaise roulante ou estropiée, t'en as une moulante ou ajustée. Tu sois béni ou bien flyé, t'en as une unie ou même rayée. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord, une chemise froissée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord, une chemise rosée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. Tu sois un frère ou un curé, t'en as une d'hiver ou une d'été. Que tu fasses la route ou que tu jongles, t'en as une courte ou bien une longue. T'es quétaine ou type Cadillac, t'en as une hawaïenne ou des contracts. Nymphomane ou juste pour cruiser, t'en as une bédaine ou décolleté. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord, une chemise froissée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. T'as une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de bord, une chemise rosée, une chemise de nuit, une chemise crottée, une chemise de sortie. Quel soulagement. Ouais. Ça, c'est la dernière chanson sur Cédrica. S'appelle Petite Fleur. Porte une chemise. Non, c'est la fille qui s'appelle Petite Fleur, puis que, ouais, qu'elle a fait une chanson sur Cédrica qui s'appelle... Cédrica ou Petite Fleur? Je sais pas. C'est fleur. Ça qui arrive, hein, quand tu te fais enterrer après ça, ben, c'est comme tu pousses en Petite Fleur après. Ah. Et voilà, on va garder ça en background. J'ai l'impression que je viens de sauver la princesse. Ouais, c'est comme la... Ah ouais, il chante, là. Pour... J'ai vraiment l'impression que je viens de sauver la princesse. Ouais, non, en fait, c'était une trame sonore de fond, ça. Ouais, c'est ça, ça hein. Pas trop, Nono, hein. Là, on va peser play ici. Petite Fleur, Cédrica. Cédrica, voici un petit chant pour toi. Petite sœur, tu n'avais que 9 ans. Tu espères vivre comme une enfant. Mais un jour, tes rêves ont te... Non, non, va-t'en pas, Bruno, fais des nouvelles à la place. Ah, d'accord. Okay. D'accord, il y a la Cour suprême de Grande-Bretagne qui vient d'envoyer sa première injonction par Twitter, affirmant que c'était le meilleur moyen de rejoindre un utilisateur de Twitter anonyme ayant enfreint la loi en prenant l'identité de quelqu'un d'autre. Mm. Le demandeur, la firme légale Griffin Law, souhaitait cette injonction contre une personne prétendant être Donald Balney, le propriétaire de Griffin. Ceci crée un précédent et est un grand pas en avant pour la préservation du la prévention du vol d'identité, pardon, sur Internet, a affirmé Matthew Richardson de Griffin Law. L'utilisateur de Twitter anonyme recevra un message lui demandant d'effacer tous ses messages ainsi que son profil et de divulguer son identité aux autorités. Ainsi qu'une amende anonyme. Oui, une amende anonyme. Ben, qui, si jamais il fait ça, il va sûrement se faire poursuivre, mais... Il peut, mettons, décider de rien faire. De rien faire à la place, probablement. Okay. Un grand pas en avant. Un grand pas en avant. Puis là, il était comment de veston-cravate à statuer là-dessus? Là? Ben, je sais pas. Là, c'est une grosse cour. Là. Il devait être une neuvaine, là, environ. Chemise-cravate. Aïe, s'il vous plaît. Ah oui, chemise-cravate. Chemise-cravate. Est-ce que tu sois juge ou un lecteur, un infomane ou un gars... Hey, voyons donc, il est gazé. Ou un support. Mais t'es son ami Facebook? Oui, je suis rendu son ami. C'est génial. Ah oui, on va essayer d'inviter Steve, pas de E, pour faire plus accrocheur. Ce serait le fun qu'il écoute l'émission ce soir, puis que demain, ben, tu sois plus son ami Facebook. Ben, toi, tu seras jamais son ami Facebook. Ouais. Je vais y dire. Ok. Tu vas y envoyer un message après pour lui dire, ouais, mais Bruno, lui, par exemple, il t'aime bien moins. C'est fou, même, t'aurais dû entendre. Mais Bruno? Ouais. T'en restes comment des nouvelles? Il m'en reste deux après ça. T'en restes deux? Uh-huh. Hein? Pose une question à Chris. D'accord. Allô, allô. Chris, toi, en général, quand tu manges beaucoup de chips, tu dirais, ce serait quelle la sorte de chip qui te donne le moins mal au cœur après que t'en aies mangé beaucoup? Les moins chers, je trouve. C'est pas les moins chers? Ouais. Ouais? Non, ouais. Boy, pas compliqué. T'es pas mal open source. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'aimes mieux le Canada ou le Québec? Ben, ça dépend le jour. Colin, il est fort, man, notre ouais, c'est ça. Mais des fois, je suis admiral Canada, puis des fois, je suis francophone, ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Dis tabarnak. Ouais, ouf, non. Sa mère l'a bien élevé. Jean-Patrick, pose une question à Chris. Ben, écoute, dans la même lignée, liqueur tu veux prendre à ce moment-là quand tu penses ces chips-là? Ben, seulement du RC, parce que c'est le moins cher, tout. Ah, ah. Ça, ouais. Ils vont bien ensemble. Meilleur rapport qualité-prix. Oui, c'est ça. Depuis 1902. Depuis 1902, on n'arrêtera jamais le progrès. Non. Pendant que Petite Fleur termine, là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, pour 10 cents, je pouvais acheter deux gommes à 5 cents. C'est quoi qui pèse le plus lourd? Une tonne de roche ou une tonne ta gueule? Je pense que une tonne ta gueule. Une tonne vrai. Ta gueule. Bon. Ça fait plus mal, ta gueule. Ouais. On va écouter le début ici de Haïf. Bon. On va laisser ça finir. Là. Comme ça, on va pouvoir dire que. Non, mais en tout cas, c'est certain que si elle entend ça, Cédrica. Elle va moins souffrir, elle va dire, il y a du monde qui écoute ben, ça. Ben oui, il y a du monde qui souffre. Dans le fond, mes douleurs sont pas si graves. Sont pas si graves, c'est ça, la pauvre petite est consolée. C'est assez drôle, pareil. Non, c'est pas drôle. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire un poème à Cédrica Provencher et la remercier de s'appeler Cédrica Provencher. Comme ça, c'est plus facile pour moi de faire rimer en A et en E. Tu vas préciser que c'est pour pas faire d'argent. Ah oui, c'est totalement désintéressé. Je te jure que tout le temps que j'ai composé mon poème, j'avais aucun intérêt. Hey, on va écouter ici un bout des gobos. Et puis, je pense que la page est pas mal tournée. Hein? On va arrêter de parler de Cédrica. Et voilà, on la ferme. Ça fait quand même 2 ans. Il m'a dit là qu'il veut effacer mes traces. Je pèse play sur les gobos. C'est bon, les gobos. C'est venu avant les Transformers. Fait que c'est avant? Meilleur. Avant, ouais, fait que c'est meilleur. Why didn't that thing self-destruct when it tore through the atmosphere? We'd better cordon off the area. Stand back, everybody! This thing could explode any second. We're here, Leader One. Good, Scooter. Wow, that thing sure did a lot of damage. Oh, we should have blasted it while it was still in the air. It looks like an ordinary old meteor, but I'll try and find out what it is. It's so weird. Yo, did we do? Quoi? Well, partie du film après? There seems to be two large objects inside. I think it's stand back! I'm gonna vaporize it before it vaporizes us! No, Turbo, wait! You can do it. Oh! Une passe de cul. Ah oh, oui, c'est pas superbe, là. En fait, ce qu'ils viennent d'assister, c'est à l'atterrissage au crash des Rock Lords. Scooter, use your scanners to see exactly what they are. Now? Don't you think we should wait until... Don't worry, Scoot. I'll call you. C'est pour adultes, hein. On le voit aux voix pour chaque personnage. C'est fait pour attirer un adulte. Le Leader One, qui est le boss des gobos, qui est un jet, vient de demander à Scooter, qui est un scooter, d'analyser les tas de roches qui viennent d'arriver dans un vaisseau spatial qui était apparemment indestructible. Là, Scooter a dit « Ah, non, mais là, j'ai peur. » Et puis là, ben, le voisin, il a dit « Ben, on va tirer dedans. » Mais le Leader One, dans sa sagesse, il a dit « Non, non, attends un peu. » Et puis là, ben, finalement, ça va donner qu'il y a des yeux gentils. Il y a des robots féminins aussi dans les gobos. C'est assez particulier. Et tous les gobos ont la même arme. C'est-à-dire, ils ferment le poing, puis là, ça pitche des lasers. Ça pitche des genres de lasers, ouais. Mais c'est pratique, ça? Ouais, ça peut être très pratique. Mais ça peut ne pas l'être aussi. Ouais, je trouve quand même que c'est plus conséquent pour le chef d'une gang de robots qui se transforme d'être un jet qu'un 18 rouge. Ouais, peut-être. Peut-être, si t'as le choix. Si t'as le choix entre les deux, mettons. Ouais, peut-être tu devrais voir les fesses après ça, toi, en plus. Hein. Ils ont des robots féminins, même. Ça, je comprends pas, ça. We seek help from the mighty GoBots. C'est lequel, d'ailleurs? Il s'appelle Vibrator, je pense. C'est l'allié. Non, j'ai retrouvé l'affaire des tests de barres énergétiques. Vous avez fait ça sur la route. Le son est un petit peu bizarre. On va l'écouter ici à 70%. Et puis, on revient après, là. Ouais, on est sur la route. Il y a de la moustache. Très sympa. Alors, Evelyne, nous sommes en train de faire des tests de barres granola et nous voulons tes impressions sur la première qui s'appelle... La Luna. On pourrait peut-être, tu sais, justement dire c'est quoi nos barres. On a la barre Luna qui est en fait le meilleur pour la faim. C'est la barre énergétique pour la femme à saveur de citron. On a la barre Optimum Androgyne à saveur de bleuet. Et on a la barre Cliff. Celle-là, là. Cliff, c'est pour les gens qui montent les montagnes. Ouais, les hommes, hein. C'est un homme bien musclé. C'est une barre d'homme, celle-là. Ouais, c'est solide. Il y a un gars qui fait de l'escalade. Elle est au raisin et aux noix. Alors, OK. Raisin et noix, la barre pour on homme. On essaie Cliff, raisin et noix, barre pour homme. Bon, s'il va me pousser du poids. Attendez, je vais donner un morceau, monsieur. Merci. On goûte tous en même temps. On y va maintenant. Go! Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de poils qui vont me pousser. Ouais, ça semble un peu lourd comme barre. C'est vraiment une barre d'homme. Ouais, je trouve que ça goûte la poêle, un peu. Ben, on goûte bien le raisin, là. Ouais, il y a une petite touche de caramel, hein, aussi. Hein, il y a un petit sucré, là. Pas ouais. Ça d'en prendre, par exemple. Un peu, je dirais, pain d'épices. Ah oui, c'est ça, c'est de la cannelle. Et voilà. Ouais, mais un petit bouton de bonhomme. Pas mauvais. Une barre au complet, faut que tu aies pas mal faim, mettons. Mais une bouchée, ça va, disons. Je suis pas sûr que je vais en reprendre un autre. Ouais. Comme monsieur, ici. Exactement, moi, c'est la seule fois. En traversant la rivière Bécancour, c'était bien correct. Alors, est-ce qu'on enchaîne avec la Optimum? Optimum, barre androgyne au bleuet. Alors, on va passer la dégustation. Comme moi, bleuet. Merci. Alors, c'est parti pour Optimum. 1, 2, 3, go. Mm-hmm. Ah, pas mauvaise, hein? Un petit peu moins lourde, d'ailleurs, que la Cliff. Ben, c'est sûr. Tout de même, assez épaisse quand même. Quand même. Ouais, c'est un repas en tant que tel, hein? Ah oui, oui, c'est... On sent une touche de yogourt. Oui. Ouais. Mais moi, sur les trois qu'on a, là, je pense que c'est celle-là que j'ai préférée. Ouais. Il nous reste la Luna, là. La Luna! Tu sais, j'avais écrit, là, mais recoutez-moi là, là, pour être sûr, là, qu'elle est pas... Non. Oh, ouais, moi, je vais Je vais regoûter pour les besoins de la radio. Ah ouais, c'est sûr, faut sacrifier, là. OK. OK, on est prêts? J'ai même pas avec l'autre bouchon, encore. Bon, OK? Ouais, la Luna, barre pour femme, saveur de citron. On goûte. Action. Oh non. Je l'avais pas oublié ce que ça goûtait, celle-là. Non, alors... Saveur de savon à vaisselle, il est très délicat, plus que les deux autres barres pour hommes. C'est vraiment du parfum au citron, là. Ça pourrait être de la ligne Hilary Duff. Ben, ouais. La barre Hilary Duff pour femme dégourdie. C'est vraiment la plus légère là en tant que la céréale, hein, c'est comme du riz soufflé. Là, ouais. c'est vraiment plus léger, mais le padding au citron, là... J'avais l'impression qu'il était pas sûr s'il était pour faire du chasse moustique ou des bars santé. Je suis d'accord, mais ça, c'est dans les kits de plein air, hein, des fois... Ils se sont rendu compte qu'il y avait des vitamines dans leur push-push à bébite. Ils se sont dit, hey, ça serait bon sur une barre. Tout ça avec du riz soufflé, puis ah ouais, plus besoin de t'acheter du hop. Alors, en conclusion, disons que... on peut commencer par la Optimum qui était pas si mal, la Cliff qui est un peu lourde, un peu trop bûcheron. Mais qui va quand même sustenter une fin d'homme. Là, hein, de loup. Oh, de loup, de loup. Mais en conclusion, la Luna est carrément dégueulasse. Mais il faut rappeler aussi que toutes les bars qu'on avait en dégustation aujourd'hui étaient faits à 70% d'ingrédients biologiques certifiés. 70%. Alors, c'était Evelyne Podvin-Cloutier, aka La Grosse. Simon Predge et... Claude Savin. Pour 70%! En route vers Québec! Ici le directeur du LSD, Jean-Patrick Berthiaume, et j'écoute Choc, et même je suis en onde présentement. Ben oui, live! Ben oui, mais c'est ça, il va falloir que je change pour quand je suis pas vas-y, là. Vas-y, fais-les, là. Fais-les, là, live. Ben, vas-y. Alors, vous écoutez 70% avec, je sais-tu, moi, en tout cas, je suis pas là aujourd'hui. Excellent! Il a pas remarqué, tu sais, il est pas là. Là, il y a pendant que on écoutait ça, il y a Evelyne qui m'a appelé sur mon téléphone, comment on dit ça, robotique. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Evelyne appelle en onde, Chris de Conne. Ben oui, elle comprend. Ah oui, tu vas gagner une auto. C'est quoi qu'elle dit? C'est quoi? Ben je sais pas là, elle m'a laissé un message, j'ai pas répondu. Ouais, allô. Je réponds pas moi pendant qu'on était en onde. Appelle-la pour lui dire de nous appeler. Ok, c'est bon. Hey, c'est vraiment du construit. On a eu les gobos. Merci beaucoup, Claude, pour le petit clip sur la vin. Ben, je voulais juste rajouter sur le clip sur la vin sur les bartendes. C'était vraiment des vrais bars. En fin de semaine, j'écoutais un documentaire qui parlait d'anorexie. Puis t'avais une belle petite chouette qui expliquait son problème, puis qui était consciente qu'il voulait s'en sortir. Et elle nous a montré, à un moment donné, ce qu'elle mangeait. Donc, pour déjeuner et pour son dîner, son dîner incluait des bars Luna. Oh! Alors, j'ai tout à fait compris pourquoi qu'elle était anorexique à ce moment-là. Ben oui, c'est sûr. Oh! Donc, c'est une barre maigreur. C'est une barre qui donne juste pas envie d'en manger. C'est ça. Donc, oublie ça. Si tu veux perdre du poids, c'est peut-être la meilleure... Tu t'achètes juste ça dans ton... Pour la femme active moderne. Et complexé. Exactement. C'est bien. Non, ben, Evelyne ne répond pas à son téléphone. Aïe, je commence à être inquiet. Ouais, c'est ça. LG, où est-ce que tu sois, appelle-nous. Pas tout. Tu vas voir, elle va se débrouiller. Elle a déjà battu un ours à coup de pelle. Bon, d'après moi, ça va bien se passer. Ouais, tu t'en es bien remis, hein, Tommy? Ouch. Aïe, ouais, c'est ça. On écoutait un bout des gobos tantôt. Très important, les gobos dans le monde. Je pense que sans les gobos, notre vie serait vraiment différente. On a étudié les films militaires la semaine passée au travers de Spécial Commando. On a compris pourquoi ce sont les mitraillettes et les commandos qui sont les plus drôles. Ah, ça sonne, enfin. Et voilà, finalement. Who's it? Ouais, allô, c'est Bruno. Salut, c'est con, ça. Hey, baisse ta radio, Bruno, on t'entend. Ah, il y a un feedback, c'est ça? Là? Ouais. Messieurs, ok, c'est bon, je vous rappelle plus tard. Ok, à bientôt. C'est la première fois que quelqu'un en onde appelle, en tout cas. Ouais, d'après moi, hein, c'est une première mondiale. 987-3000, poste 16-10, gênez-vous pas, hein. Puis si vous avez rien à dire, c'est pas grave. On va le dire à votre place. Nous autres, on travaille sur les choses à dire. Non, donc, ça me fait plaisir de vous rappeler les trois aspects de la grande famille du douteux dit militaire. Ils n'ont appelé commando la semaine passée, j'aimais ça aussi, des commandos, la famille des commandos. Ouais. Le premier aspect, la limite de cadavre est absente. Le deuxième, l'existence même du film de guerre souvent existe dans la justification. Et puis, ben, sinon, les passes de bureau sont usuellement plus courtes. Cette semaine, on fait un peu relâche en se plongeant dans 71 minutes de gobo, datant de 1985, pour suivre en clip en demande spéciale avant de terminer la soirée avec Bible Man. Il est incroyable qu'il chassera le méchant Shadow of Doubt à coups de parabole de Jésus et des cheveux longs, là. Vraiment, vraiment très bon, Bible Man. Vérité, je vous le dis. Ah ouais, c'est ça. You shall not throw the stone. Hey, non, mais sinon, du dessin animé douteux, il y en a. Il y en a plusieurs. Des longs-métrages animés douteux, c'est un peu plus difficile à trouver. Parce qu'avec le temps, ben... Je dis pas que les 9 films des Pokémon ne valent pas la peine. C'est pas ça que je dis. Je dis que la barrière à franchir pour dénicher les longs-métrages douteux animés s'avère plutôt une course à obstacles souvent, parce que si la tendance est au changement, il demeure qu'on ne fait que rarement partie du public cible des dessins animés. Et puis ensuite, les longs-métrages animés sont plus difficiles à trouver, parce que hein, ça passe pas à TV, puis pas Pixar, il y en a pas tant que ça, tu sais. Puis dénicher le douteux devient une tâche un peu plus difficile. Donc, croyez-moi, le film des gobos n'a rien à envier à un moins 6 militaire, d'où la pertinence de la notation. En résumé, les gobos vont sur une planète habitée de roches, pouvant se transformer en humanoïdes. Parce qu'ils voulaient changer la franchise. T'sais. Ils ont fait une saison de 65 épisodes des gobos. Puis là, ils se sont dit, ça vend pas, puis c'est plate, puis c'est plus lettre que les Transformers, fait qu'on va faire autre chose. T'es devenu quoi? C'est devenu les Rock Lords, puis c'est dans ce film-là qu'ils amènent les Rock Lords. On les voit pour la première fois. Puis ça a-tu marché? Ont-tu fait 65 autres épisodes? Ah non, il y a quelques épisodes des Rock Lords, j'ai pas fait de recherche, j'irai voir tantôt. Mais sinon, c'est bien sûr, sur la planète des Rock Lords, il y a des méchants et il y a des gentils, c'est très très très scissionisé, là. Il n'y a pas moyen d'aller faire un tour dans la gang des gentils sans rester là, là. C'est sûr et certain. Et puis, ben, les gobos méchants, les renégats, vont se trouver des amis méchants. Et puis, ben, les gobos, qui sont les gentils, vont se trouver des amis gentils. Tout va bien. Le prétexte dans l'histoire, c'est bien sûr de stopper les plans méchants des méchants. Côté doute, vous en trouverez des bonnes raisons de vous sentir lésé. Autant visuelle qu'auditive, ces raisons vont s'amonceler lentement pour devenir la grosse pile usuelle de pourquoi auquel on est habitué ici. Promis. Pour ceux qui s'intéressent, les gobos étaient là avant les Transformers. C'est une série de jouets qui appartiennent à Tonka. Puis Transformers, c'était Hasbro. Fait que à chacun son paquet de troubles. Bien sûr, d'inspiration japonaise, c'est aux États-Unis que ça s'est développé. Et puis, ben, les gobos ont été supplantés à plate couture par les Transformers. Parce que les Transformers, ça a été diffusé de manière à ce que les personnages avaient une personnalité, tu sais. Puis là, t'as acheté la boîte. Des jouets aussi. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps au travail des jouets. Transformers, il y a eu genre, c'est de 84 à 92 la première série. Puis ils ont fait un film aussi à un moment donné, là. Hein? Megatron devenait Unicron, là, puis c'était genre Orson Welles qui faisait la voix. Là. Il y avait un enregistreur, ou je sais pas comment il s'appelait, là, c'était comme une enregistreuse, un espèce de vieux Walkman aujourd'hui. Ça fait rire de voir ça. T'sais. Il savait même pas qu'il y avait des MP3 à l'époque, franchement. Ils sont nonos. Ouais. MP3. Puis c'est des robots. Ben, fait dur, ça. Hey, Jean-Patrick veut des réponses. Moi, ça me tente toujours pas d'écouter les jumelles magma. Fait qu'on va écouter les jumelles magma. Hey, mais tu parlais de Roche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, les Onyx? Non, je suis vieux. Hein. Moi, on dit que je suis vieux. Il est super, super vieux. Pour non, lui. Mais c'est surtout que les Onyx, c'est un espèce de petit sketch qui passait... qui était probablement faite en Pologne ou ailleurs, où il n'y avait pas le droit de critiquer le système ni quoi que ce soit. Tu sais, tu fais pas de joke, tu vas être en prison. Ouais, ouais, ouais. Et c'est, ça jouait à Bagatelle ou à Bobino, un des deux. C'était une émission à l'époque. Là. Puis, donc, en gros, c'était 30 secondes à une minute, et c'était des roches. Puis, ils ne parlaient pas vraiment, ils faisaient des hum, hum. Fait que là, tu voyais, c'était souvent un plan de traveling qui commençait à serrer, puis là, qui reculait. C'était juste ça. Les Onyx. Il y avait des roches. Ouais, ben les Onyx. Puis ça commençait avec une musique vraiment weird. Ça faisait moum, moum, moum, moum, moum. Puis avec des bulles. Puis tout, je vous dis, c'est super douteux. Puis. Bon, ben on va aller voir sur YouTube. Il va falloir trouver ça. Oh, les Onyx. En attendant, c'est les jumelles magma. Merci Jean-Patrick. Les Onyx. Les jumelles magma. Dansez, dansez. Ah, ça doit faire 10 ans que je cherchais ça, des tunes des jumelles Magma. Il paraît qu'ils font du cinéma très spécial avec des gens bien, bien... Membrés? Ouais, je pense. Ouais. C'est des clubs privés. J'ai entendu dire, là. Hein? Ça veut dire que ça devient un fait dans votre tête. Pour l'instant, on écoute les jumelles Magma. Danser, danser. Dans tête. Danser, dans tête. Danser, danser. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien à faire avec ça. Surtout quand c'est dans la tête. Ils sont tellement belles. Hein. Je sais pas, je m'en souviens plus. Bon. C'est un clip, quoi? Ouais. Ah, ben je vais venir le voir. Corbin. D'une shot de même. Voilà, donc on va parler de jeux vidéo parce qu'on aime ça les jeux vidéo. Lose Lose est un jeu vidéo avec des vraies conséquences dans la vraie vie. Le jeu est basé sur le principe de Space Invaders, mais à chaque fois que vous tuez un extraterrestre, un fichier s'efface de votre ordinateur de façon permanente. Si on meurt, le jeu est effacé. Aussi, les ennemis, si les ennemis vous touchent, vous mourrez, mais ils n'ont pas d'armes. Le but du jeu est que le joueur se demande quelle est sa mission. Est-il engagé pour tuer les ennemis ou simplement un observateur en terrain dangereux? Le joueur est-il l'agresseur? Le fait de posséder une arme à feu nous oblige-t-il à l'utiliser? Il propose aussi des questions plus sérieuses, comme à quel moment est-ce que nos données virtuelles deviennent plus importantes que nos possessions physiques? Quels vrais objets ont plus de valeur que nos données pour nous? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'y a-t-il après la mort? Où est le magasin de souliers? Voilà. Et où est Cédric? Aïe, il fait qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour vrai. Ouais. C'est... Puis tu peux aller le downloader, là. Mais. fuck. Bon, on va remettre la trame sonore de fond. Elle, au moins, elle me comprend. Tecmo Secret of the Stars, man. À un moment donné, là, faut que tu trouves le GLDNL. Ça veut dire Golden Nail. Ah ouais. Puis là, ben, c'est parce que tu sais pas que le GLDNL, c'est un gold nail. Ouais. Fait que là, tu sais pas à qui parler, puis tu sais pas où aller chercher le gold. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, tu parles à tout le monde dans le monde, puis là, tu parles à un gars qui est en train de réparer une façade de maison. Puis là, il te dit, ah, ben, tiens, j'ai trouvé ça, j'en ai pas besoin. Puis là, il te donne un GLDNL. Puis là, ben, avec ça, tu peux réparer le bateau. Et avec le bateau, tu peux aller chercher de la dynamite. Pour... Hey, c'est incroyable, ce jeu-là. C'est le moins bon role-playing de tous les temps, sûr et certain. En as-tu une autre nouvelle? Oui. Ben, déglutis. Il m'en reste une. Un homme qui a appelé la police après que son ex-femme ait volé ses poissons rouges de son appartement samedi dernier. Le couple avait apparemment eu une dispute concernant des bijoux qu'il lui aurait achetés et qu'il aurait gardés après la rupture, que la femme souhaitait récupérer. Les policiers se sont rendus à l'appartement de la femme et ont trouvé 4 poissons rouges frits dans une assiette. Frits? La femme a affirmé avoir mangé les 3 autres. Ah! Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de ravoir tes bijoux que de manger les poissons rouges de ton chum. C'est ça, c'est de la pré-vengeance. Oui. Elle manquait d'oméga 3. Bah, peut-être. Non, c'est peut-être juste ça, dans le fond. Ouais. C'était pas une vengeance, elle avait juste bien faim. C'est mieux par la soupe, en fait, parce que la cervelle, elle fond. J'ai vraiment faim, puis je sais pas où trouver de la nourriture. C'est-tu qui c'est qu'il y a des poissons? Mon ex! Non, mais c'est la recette de la giblotte à Sarèze. Non, peut-être. Aïe, on va écouter un petit bout de dégobo, là, mettre ça en background. Ils sont sur la planète, là. Nothing yet, Sykil. Keep searching, Crasher. Those rocks have to be down there somewhere. On l'écoute-tu en français ou en anglais? Je l'ai en anglais seulement, finalement. Même ça, je l'ai déjà vu. Sure, they didn't see us. They're probably looking for our stronghold. Oh! You okay, little fella? Yes. Oh, it happens all the time. My gyros aren't what they used to be. Oh, maybe I can fix that for you. Sorry, that's gonna have to wait. Right now, we gotta get moving. Y a-t-il une voix de leader ou pas? Which way to the stronghold? Follow me! Puis le scooter, y a-t-il une voix de scooter ou pas? Une petite voix d'élément comique. Ils sont en train de les présenter. Ils viennent de tomber. Les roches, je trouve ça assez fabuleux parce qu'ils s'appellent genre Pebble, Nugget, Boulder. Voilà. Au rein. C'est que les roches, ils se déplacent en roulant. En roulant. Ouais. Ah oui. Selon le principe, roche. Ouais, qui roule. Papier et ciseaux. Pierre qui roule papier et ciseaux. Ouais, c'est ça. Dans des petits onguents. Mais jamais 200. Ne fais pas le moine. C'est fatigant, ça a pas de bon ça. Mais moi, il y a un invité ici qui a pas beaucoup parlé. Ben oui, ben Chris, en fait, il est là pour se déjeuner pour la semaine prochaine. Prendre le rôle de Amiral Canada. Parce qu'il mange des chips depuis tantôt. Le gros combat. Ben le gros combat, ouais. Ah ouais, on va débattre la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. On va avoir Dawish aussi, le gars de Québec. Là, puis je vais juste me primer. Ah, c'est ça, tu mets le primer, puis la semaine prochaine. Je mets la peinture, genre. La peinture rouge. La peinture rouge et blanche. Ah oui, oui. Mât ou lustré? Mât lustré, ouais. Ouais. Coquille d'œuf. Comme sur le, comme sur le drapeau, là. Le drapeau de... C'est le mât. On oui, remarque dans le navire, il y a un mât, puis on met un drapeau, c'est le mât. Oui, oh, je comprends. Voilà. C'est qu'on touche le fond des vraies affaires. Hein? On est vraiment rock'n'roll aujourd'hui. Je pense qu'on va mettre Gentle Giant et Valedictory. C'est bon ça? Oui. C'est ma tune préférée, je pense, de Gentle Giant. Pour ceux qui aiment ça, wow! Claude Bernier aux commentaires. Ce serait bon, fou du roi. We'll be right back. tout cas, Stéphanie est rendue pas mal bête. T'es surpris? Je sais qu'elle a un chum, là, puis elle veut pas le dire. Bon, peut-être qu'elle sort avec un étudiant. Hey, attends une minute, toi. Tu viens de me donner une idée. Un prof qui sort avec un étudiant, là. Tu sais qu'elle pourrait perdre sa job. Juste une rumeur, ça peut faire bien du dommage, hein? Sais-tu que t'es devenu un crosseur? Il me semble que t'étais pas si pire que ça avant. Tu seras surpris. L'été que j'avais 9 ans, là, j'avais installé un petit kiosque devant la maison, puis je vendais de l'eau du robinet aux enfants du coin. 5 cents le verre. Là, tous les enfants qui couraient à la maison, là, chercher de l'argent. Hey, ça se peut-tu exploiter les enfants comme ça? Séquence. En fait, on a eu une séquence avec l'excellent Simon Boisvert qui essayait de prouver à son ami qu'il était un écœurant depuis la naissance. Oui, oui, c'est ça, qu'il n'avait pas changé. Oui, c'est ça. Il fait juste affiner ses méthodes. T'as changé, hein? Il me semble que t'étais pas poche de même avant. Non, non, non, non! J'ai toujours été poche de même! Tout le temps crossé des enfants. Tout le temps. Hey. Puis après ça, on a eu Hulk Hogan dans un combat à finir, la fois qu'il arrache la porte de la limousine puis que le chauffeur se pisse dessus, là. Ah, OK. Puis là, il fait des phases de... Mais qu'est-ce que c'est son... L'urine. De l'urine! Avec la voix de Yves Corbeil, bien sûr, qu'on a tous reconnu. En tout cas, c'est les hauts faits de sa carrière. Ouais. Yves Corbeil. Il me semble qu'on s'en fout. Ben, il a fait. Il me semble qu'il avait fait la voix de Hulk Hogan dans Combat à finir. Ah, ben, il est hot! Ça change tout. Il a même apparu aux Oscars. Ouais, c'est vrai, il est apparu aux Oscars une année. Il était dans l'extrait présenté pour un film nominé dans une catégorie. Là. Mm-hmm. Ouais. Hein? C'était pas lui qui était nominé, là, mais c'était lui qui était là comme... Dans l'extrait du film. Écoute, j'ai rencontré des gars, là, 10 ans de ça, mais les gars, ils étaient comme trop fans de... Hulk Hogan? Non, pas de... Yves Corbeil? De Yves Corbeil. OK. Puis... Denis Drolet. Disons qu'à chaque fois, je les voyais, ils me parlaient de Yves Corbeil, puis c'était vraiment une obsession. Puis l'extrait qui passe aux Oscars, ils m'ont montré, là, puis c'est glorieux, là. Là, tu vois la foule, là, tu vois Danny DeVito là, qui applaudit Yves Corbeil. Là. Hein? Hein, je te le dis. À 70%. Hey, Jean-Patrick Bertillon, parle-moi un petit peu, là, c'est quoi, il y a le lancement du film Québec Libre? C'est ça, il y a deux choses importantes. Premièrement, bon, vous avez remarqué ce qui est arrivé la semaine dernière avec M. Coderre. M. Coderre a décidé bon, de brouiller les cartes un petit peu. Nous, on a trouvé une initiative intéressante. Le parti a destitué rapidement l'ancien candidat qui était Bruno Corbin dans Outremont pour proposer Outremont à M. Coderre. Au départ, il acceptait. Deux jours plus tard, on a été obligé de le destituer parce que, bon, il y a eu une accusation métaphorique. Et d'un point de vue strictement politiquement parlant, là, il y a eu une comparaison. Donc, on trouvait qu'il n'était pas assez rhinocérien, mais plutôt porcin. Et là, il faut pas s'arrêter à son physique. Là, moi, je vous parle bien de La Ferme des animaux de George Orwell, dans lequel il y a un petit goret qui s'appelle Brie Babé, qui se charge de la propagande. Bref, on trouvait que c'était très, très, très à propos de l'associer. Puis bon, il a perdu toute autorité morale de le faire. Et on a trouvé immédiatement une autre candidate, Madame Martine Truy. Eh oui, alors ça sera Martine Truy contre Martin Cochon dans Outremont. Avec comme slogan, dites non au porc, P-O-R-C-S, métanier d'Outremont. Fait que ça c'est ce qui s'est passé là. Et ça m'amène à vous dire qu'il y a des élections partielles qui s'en viennent au mois de novembre. Il y en aura quatre, dont une dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, je risque de tenter de vous amener la candidate qui va se présenter. Je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois, mais ça, c'était une des grandes nouvelles. Et la deuxième nouvelle, ben, c'est dans quelques jours, le 16 et le 18, donc dans deux semaines, le lancement en première mondiale du film « Viva el Quebec Libre ». Et c'est un film, donc, de une heure et demie environ, qui, essaie de... C'est une espèce de documentaire, si on veut. Il y a beaucoup de gens qui le voient qui pourraient même penser que c'est un documentaire. Mais tout ce que vous allez voir dans ce film-là, si vous venez voir, est vrai. À savoir qu'on rencontre notamment Peter Kent, je crois, le ministre des Affaires extérieures du Canada. On rencontre, toutes sortes de personnes dont les noms vous diront rien, mais je vais vous donner leur poste. Par exemple, la secrétaire de la ministre de la culture de Cuba a passé 2 heures avec notre gang de fous. On est allé à Cuba, puis bon, il y a 24 heures de stock shot qui en est sorti de ces 2 semaines qui sont dans le film, mais il y a aussi des extraits du Symphonium qui a eu lieu à Montréal, donc avec toutes sortes d'artistes et en hommage à Cuba, ainsi que une soirée qu'on a fait pour récolter de l'argent pour justement les Cubains. J'en avais parlé une fois précédente ici de mémoire. Oui, oui, oui. Et donc, c'est ça. Ça raconte un petit peu toute cette histoire-là. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment une fin. C'est-à-dire que c'est une fin ouverte, étant donné que le projet n'est toujours pas finalisé. C'est un work in progress. Mais le film lui-même vaut la peine parce que c'est un petit peu déstabilisant. C'est pas comme des flashbacks, mais évidemment, la structure du film n'est pas nécessairement chronologique. Par contre, au niveau des sujets, tout ça, c'est très chronologique. Et si on sort avec moins de compréhension avant de... c'est-à-dire après qu'avant d'entrer dans la salle, c'est tout à fait voulu. Et je pense que la plupart des gens qui vont voir le film vont avoir effectivement cet effet-là. Il y avait moins de questions avant de le voir, probablement. Ah bon, ben voilà. Puis ça, c'est quoi? C'est lancé pour le festival? Oui, le festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Donc, ça joue 2 soirs, comme je disais. Le 16, c'est la première, donc un vendredi soir à 9h. Et le 18, la clôture du festival à 5h. Hey, hein? Eh oui, c'est en plus quelque chose de complètement fou. On va aller présenter le 20 novembre à Cuba le film dans le festival de films de Holguin. ça risque d'être assez spécial, merci. Puis c'est ça, étant donné que tout le long du film, il y a souvent des gens en espagnol, d'autres fois en français. Il y a constamment un sous-titre en bas, soit en français, soit en espagnol. Donc, ça nous permet de le diffuser sur les deux plateformes. Bon, ben, bon travail. Ben, merci beaucoup. Ils sont allés là, puis ils l'ont fait. Nous autres, on est venus, puis on en a fait une aussi, là. Claude? Ben oui. Merci beaucoup. T'as-tu quelque chose à dire encore? Ben oui. Faut faire ça vite, parce que là, il nous reste à peu près 3 minutes. Je vais en profiter, je vais en prendre 1 minute 30. Bataille de Rayé. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça en fin de semaine, ça vaut vraiment la peine. C'est la Pillow Fight League. C'est au petit campus. Vous me diriez, est-ce que c'est des jeunes nymphettes en déshabillé qui se donnent des coups d'oreiller de plume et que ça revivote et que c'est sensuel? Non! C'est de la vraie lutte! C'est des filles qui sont quand même jeunes et sexy. Oui. Sont en vingtaine, début vingtaine. Et sont habillées en lutteuses. Ils se battent à coups d'oreiller, une grosse oreiller bien dure. Ça commence chacun de leur côté et ça se verse dessus. Sauf que c'est comme la vraie lutte. T'as la méchante Newfie, la passionnée petite écossaise, plein de personnages, et on rentre dans le drame. Et c'est violent, parce qu'on peut faire tout ce qui se passe dans la vraie lutte, sauf que l'action doit se dérouler à travers l'oreiller. Donc, si tu verges ton adversaire, c'est à travers l'oreiller. Et ça peut être très dur. Donc, le 10, si vous avez absolument rien à faire, vous aimez voir des petites filles, vous aimez la lutte, mais tu sais, pas les gros tas, vous aimez les petites filles sexy, la Pillow Fight League au petit campus, samedi, le 10. C'est-tu gratuit? Ah, ça doit coûter environ 5-6 piastres. Bon, ben, de toute façon, est court rendu. Bien de moins, puis tu vois des boules. Il y a les danses à 5, là, c'est bien mieux que ça. Ouais, mais là, la bière, elle coûte cher en tabarnak. Non, ça vaut la peine. Allez-y, j'ai été, moi, puis j'ai eu du fun pendant 3 heures de temps. Bon, ben, 3 heures. Chris, merci beaucoup, merci Claude. Ouais. Ben voilà, on va se revoir, Chris. T'es là la semaine prochaine? Ah oui, sûrement, mais pas moi, mon alter ego. Ton alter ego, le Amiral Canada. Amiral Canada. T'amèneras tes opinions à la Pierre-Éliott Trudeau, là, ça va faire un débat. Oh oui. C'est bon. Jean-Patrick Bertium, bonjour. Ben bonjour. Et merci beaucoup. Et puis, ben Bruno Corbin. Oui, ramenez les boneless chicken wings au PFK, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Hey, ça fait vintage, ça. C'était 70%. C'est ça. Merci. On s'en va écouter les gobos et puis bye Bible bye. Man. Moi, je vous laisse avec ça, les gobos, d'ailleurs. Petit bout de la fin. Ça a rapport. With each of Magmar's victories, we grow weaker. And now we can barely challenge him. Looks like our cause is doomed. Things look even worse now that Magmar has the renegades and their weapons on his side. Can you help us? Unfortunately, our command center was severely damaged and needs extensive repairs. But we've come here to help, and that's what we're gonna do. We've got plenty of built-in firepower. Not all of us have built-in firepower. Looks like Scooter's found a new admirer. What is this thing? It's a Rocknolly, of course. Our planet is filled with them. Lucky he likes you. Your nollies can be real mean. Yeah, lucky. Nice nolly, little nolly. What can we do to stop Magmar? Now that he has Solitaire's power scepter, he has to either come after me or attack the Kingdom of Fossils. Just a moment. I sense something. Magmar and those other Gobots, they've found us. How do you know? Sometimes I can sense what others feel or think. Sometimes I can see the future. Unfortunately, this time you're right, Marbles. Come on! La 8e édition de Pop Montréal s'en vient du 30 septembre au 4 octobre et vos vies vont changer à tout jamais. Vous pourriez notamment y voir The Butthole Surfers, Think About Life, Los Mutantes, Le Monde dans le Feu, Sofiane Stevens, Buffy Sainte-Marie, Faust, Yo La Tango, Destroyer, Poirier, Plaza Music, DJ Rupture, Kid Koala, Ariane Moffat et plusieurs autres. Comme si ce n'était pas assez, Pop Montréal c'est aussi de l'art, des ateliers, des films, des panels et des parties! PopMontréal.com pour avoir plus d'informations sur nos concerts et événements. Salut, ici la Pâte à Rose. Nous avons participé au festival Vue sur la Relève 2009 et quelle expérience! Tu es un jeune créateur professionnel et tu attends toi aussi une occasion exceptionnelle d'être révélé au grand jour? Propose ton spectacle prêt à diffuser dans une discipline des arts de la scène et prends la chance d'être sélectionné dans la programmation du 15e festival Vue sur la Relève au printemps 2010. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois, Vue sur la Relève, une rampe de lancement formidable pour des créateurs en début de carrière. Inscris-toi! Vue sur la Relève.com. Je suis en l'air.